Ok, Chino, l'avenir est dans les mots, frère. Le projet il est enfin sorti, ça fait 2 ans qu'il a attendu. Écoute ça. C'est Chino, l'avenir des mots, venu péter son micro. Bah ouais. Et j'arrive, mon mic te sonne, c'est mon rap qui résonne. Si, si. Et t'es cassé à toi si t'as téléchargé le CD. Que tu sois grand ou petit, j'espère que tu vas kiffer. Que tu mon vas rap kiffer, est ouais. Venu faire mal, des balles sur instrumental. J'suis venu pour te faire bobo, laisse tomber le rap, fais dodo. Tu sais bien que je suis ado. Et oui j'ai 17 ans gros. 17 ans. C'est Chino, l'avenir des mots, venu choquer vos sommets. Je viens des jets qui m'ont encouragé, m'ont dit de persister, qui croient que je vais percer. Même si c'est faux, je le sais. Mon rap, j'aime bien le taffer. Les packs, j'aime bien les toucher. Retiens bien tout ça, car je t'assure que c'est frais. Je pratique le rap depuis l'âge de 15 ans. Je t'assure, MC, dans la zig, j'ai qu'un sens. Je donne ce que je fais, car j'aime beaucoup ça. J'aimerais qu'un jour ensemble on check ça. Qu'on se serre les coudes et qu'on écoute ça ensemble. Et oui, en outre, moi je sais finir ensemble. C'est un moment pour but ici de te calmer. De prouver que sur terre, ici on peut respirer. Ici on peut respirer. Hein, 1380, Gignac Lanerte. Dédicace à toi si t'as téléchargé l'album. J'espère qu'il va te plaire. Si, si. Chino, 17 ans, man. Ok.